Elle était exquise, un peu comme une tarte aux fraises. Elle était si bonne, voulait toujours qu'on la prenne par la main. Avec elle, jamais de malaise, jamais la dernière pour l'amour. Marie-Pénélope est une saliloque. C'est une crevette qui a très bon goût. Marie-Pénélope est une saliloque, c'est une crevette qui a très bon goût.